Module 13, étude 4. Le nécessaire et le superflu. La double nature de l'homme, corps et esprit, lui impose d'entretenir la vie dans son double aspect. Mais la majorité des habitants de cette planète ne se préoccupent que de la matérialité de la vie, régulant et négligeant, par ignorance ou indifférence, les valeurs spirituelles. Cependant, le Créateur a doté tous les êtres vivants, particulièrement l'homme, des instincts et de l'intelligence appropriés à la préservation de la vie, en leur donnant les moyens d'y parvenir. Tout ce dont l'homme a besoin pour la préservation de la vie se trouve sur la terre. La prévoyance et la sagesse divine sont admirables et se manifestent dans la nature, afin de pourvoir à tous les besoins de l'homme, primitif ou civilisé, à toute époque. D'un côté, toutes les ressources naturelles à la portée de la créature, dans l'atmosphère, dans le sol, dans les eaux et dans les entrailles de la terre. De l'autre, la nécessité de l'effort, du travail, de l'utilisation de l'intelligence, de la lutte contre les éléments, pour jouir des moyens de préservation. Il est important que l'être humain apprenne à établir une limite entre le superflu et le nécessaire, en évitant, dans la mesure du possible, les appels de la société de consommation. Cependant, nous savons que la définition précise de cette limite n'est pas facile parce que le processus civilisateur a créé des nécessités qui n'a pas la sauvagerie. Tout est relatif, c'est à la raison à faire la part des choses. La civilisation développe le sens moral et en même temps le sentiment de charité qui porte les hommes à se prêter un mutuel appui. Ceux qui vivent aux dépens des privations des autres exploitent les bienfaits de la civilisation à leur profit. Ils n'ont de la civilisation que le vernis, comme il y a des gens qui n'ont de la religion que le masque. Comprenons que le bien-être est un désir naturel. Dieu ne condamne que l'abus, parce que l'abus est contraire à la conservation. Il ne fait point un crime de rechercher le bien-être, si ce bien-être n'est acquis aux dépens de personne, et s'il ne doit affaiblir ni ses forces morales, ni ses forces physiques. Ainsi, il a toujours du mérite lorsqu'on apprend à renoncer au superflu, parce que cela détache l'homme de la matière et élève son âme. Ce qui est méritoire, c'est de résister à la tentation qui sollicite aux excès ou à la jouissance des choses inutiles. C'est de retrancher de son nécessaire pour donner à ceux qui n'ont pas assez. Selon l'esprit Bezerra de Ménécès, le monde est rempli d'or. Il y a de l'or dans le sol, dans les mers, dans les coffres. Mais l'or ne résout pas le problème de la misère. Le monde est rempli d'espace. Espace dans les continents, espace dans les villes, espace dans les champs. Mais l'espace ne résout pas le problème de la convoitise. Le monde est rempli de culture. Culture dans l'enseignement, culture dans la technique, culture dans l'opinion. Mais la culture de l'intelligence ne résout pas le problème de l'égoïsme. Le monde est rempli de théories. Théorie de la science, théorie des écoles, des philosophies, théorie des religions, mais les théories ne résolvent pas le problème du désespoir. Le monde est rempli d'organisations, organisations administratives, organisations économiques, organisations sociales, mais les organisations ne résolvent pas le problème du crime. Quelle est donc la solution à cet état de choses? Le docteur Bezerra de Ménécès nous en donne évidemment la réponse. Pour supprimer la plaie de l'ignorance qui berce la misère, pour dissiper l'ombre de la convoitise qui génère l'illusion, pour exterminer le monstre de l'égoïsme qui encourage la guerre, pour annuler le ver du désespoir qui encourage la folie, et pour enlever le marais du crime qui conduit au malheur, le seul remède efficace, c'est l'évangile de Jésus dans le cœur humain. En restant sur le sujet de ce qui est superflu et de ce qui est nécessaire à notre existence, écoutons les pondérations suivantes de l'esprit protecteur qui, dans un message dicté en 1861, disait déjà « Lorsque je considère la brièveté de la vie, je suis douloureusement affecté de l'incessante préoccupation dont le bien-être matériel est pour vous l'objet, tandis que vous attachez si peu d'importance et ne consacrez que peu ou point de temps à votre perfectionnement moral qui doit vous compter pour l'éternité. On croirait, à voir l'activité que vous déployez, qu'il s'y rattache une question du plus haut intérêt pour l'humanité. Tandis qu'il ne s'agit presque toujours que de vous mettre à même de satisfaire à des besoins exagérés, à la vanité ou de vous livrer à des excès. Que de peines, de soucis, de tourments l'on se donne,

cause génératrice de problèmes plus sérieux que l'insécurité. C'est une erreur. Jésus nous conseille de ne pas garder de crainte dans nos cœurs et de voir en Dieu notre prévoyance, notre soutien, pour que nous vivions en paix. Quand il nous recommande par-dessus tout de chercher le royaume de Dieu, où tous nos désirs seront exaucés, il était loin de nous inviter à l'inertie. Le royaume étant un état d'esprit, une sorte de nettoyage et de mise en ordre de notre foyer mental, il est évident qu'il ne s'agit pas d'un travail pour l'indolence, car cela exige une forte discipline intérieure, un travail intense d'auto-rénovation, une lutte exhaustive contre toutes nos tendances inférieures. Pour vivre le message évangélique, il faut profiter de la bénédiction du temps en valorisant les occasions qui se présentent. À chaque jour, explique le maître, suffit sa peine. Celui qui s'inquiète beaucoup du futur compromet le présent. C'est aujourd'hui notre occasion la plus authentique d'apprendre et de travailler, de servir et d'édifier. Nous présentons ci-après quelques conseils suggérés par l'esprit André Luiz. Ces conseils peuvent nous servir de guide pour aider à l'éducation de notre anxiété de consommation et d'accumulation de biens, afin que nous puissions investir avec plus de sécurité dans notre croissance spirituelle. Ne faites pas de votre foyer un musée. Un ustensile inutile à la maison sera utile chez quelqu'un d'autre. Le détachement commence par les petites choses, et l'objet conservé inutilement dans un coin de la maison sonde les sentiments de l'habitant. La vraie mort commence dans la stagnation. Celui qui fait circuler les empreintes de Dieu renouvelle son propre chemin. Transformez les objets inutiles en force vive du bien. Débarrassez du placard, approvisionnez les aliments oubliés pour leur distribution fraternelle aux compagnons de l'estomac vide. Vérifiez l'armoire en libérant les cintres des vêtements que vous ne portez plus. Et transmettez-les aux voyageurs dénudés du chemin. Donnez les paires de chaussures en trop aux pieds nus qui marchent tout autour. Éliminez du mobilier les objets excédents pour augmenter la joie des habitants moins heureuses. Secouez les affaires rangées dans les tiroirs ou la cave en donnant une application aux objets sans usage personnel. Transformez en patrimoine d'autrui les livres couverts de poussière que vous ne consultez plus en les adressant aux lecteurs sans ressources. Inspectez votre sac en donnant un peu plus que les simples engagements de la fraternité, en montrant de la gratitude envers le surcroît de la miséricorde divine. Prévenez-vous aujourd'hui contre le remords de demain. L'excès de notre vie crée la nécessité de notre semblable.